enlevé, j'ai attaché le truc. Ah ouais, bah oui, mais c'est bien commencé une guitare. J'ai pas le machin pour le. Merci. Feel becoming a birds. Mais c'est pas Titi ça. Il faut que je change la pile de ma guitare. No, it's Titi, lol. Ah, du piano. Piano, maestro. Ah, changer la pile. Merde, j'ai oublié. Guitare sur pile. Non, c'est une électro-acoustique. J'aurais bien trouvé une meilleure reverb en VST, mais gratuite, que la reverb de Reaper, là. Tu vois ? Attends, ah merde. Est-ce que quelqu'un en connaît une gratos ? C'est quoi qu'il y a là-dessus ? 1, 2, 3... sur 220. Oui, si. Oui, c'est branché sur le. Non, c'est pas branché sur le. Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais qui te dit, toi ? Il sonne bien ton piano. C'est joli ce piano. Bon, Titi, ça va ? Titi ? Est-ce que j'ai du son la guitare là ? Putain, mais j'ai l'impression que tout le monde est fou. Apple, oh putain, c'est Yamaha. tous les accords. À la basse. Thank you. Vanitas, de la Vitas. Titi, t'es en Italie, toi. Sur le lounge, t'es en Angleterre, et là, t'es en Italie. C'est pas bien au point, leur truc. En fait, Peter, il est même pas américain. Il s'appelle Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Pierrot. En Portugal, est-ce que t'es du Portugal? T'as frio? T'as frio ou t'as pas frio? Ensuite, on a le Canada. I'm gonna search for my heart. Moi je cherche une réverbe. Un capot d'as pour Noël. Pas sur le A. When I see the open eye. Attends, je vais partir sur le A. Comme dirait Bilos, c'est pas la peine de partir sur le A. Thank you. J'avais pas vu. We'll be right back. Thank you. Je ne suis pas communiste. Je ne suis pas socialiste. J'y arrive pas. Je n'entends plus la guitare à Titi. Je n'entends plus la guitare à Titi. Merde, on avait un super batteur, mais. Tu piges pas? Si, j'ai pigé. J'ai pigé. Ah, tu envoies tout simplement mi, fa, do. Ouais, mais je t'entends plus là, pourquoi? Sol. Le premier accord, c'est un sol. Ça, tu peux le faire tourner non-stop. Le petit Titi est demandé en caisse 49. No. Salut, salut, ouais c'est ça, ça veut dire bonjour. Salut, c'est hello. One, two, three. Merde, j'ai raté le. Moi j'aime bien faire ça, ça sert pas à grand chose, mais bon. Thank you. salut. Ça a enregistré mon mensonge. Ça enregistre tout le looper. Non, c'est pas bon ça. Attends, j'ai presque trouvé. Attends. Je suis en train de chercher. Hein. Pas de drum, non. Merde, putain, j'arrive pas à le faire. Everyone that you got them for, I'll tell you all my. Non, ça va pas, putain.